qu'on commence tout de suite, inshallah. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On continue donc notre explication de Sharh Manzumat al-Adab al-Shar'iyya. C'est l'explication de Manzumat al-Adab de l'imam al-Sheikh Sharafuddin Muhammad ibn Abdul Qawi al-Mardawi al-Hanbali rahimahullah, qui est né en 630 et qui est mort en 699, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et il a intitulé le charh de ce livre « Ithafu al-Tullab »« Ithafu al-Tullab bi charhi manzumati al-adab » Donc, Inch'Allah, c'est très très bénéfique. Et vous allez voir, Inch'Allah. Donc, on était en train d'expliquer au dernier cours, on a commencé d'expliquer les deux premiers vers, après avoir expliqué l'introduction. Donc on continue, Inch'Allah. Donc l'imam Abdul Qawi, Muhammad Abdul Qawi al-Mardawi, il dit ensuite, Rahimahullah, « Nuqirru bila shakkin bi annaka wahidun, wa nu'minu bidda'i ilayka Muhammadi. » Naam, donc ça, qu'est-ce que ça signifie? Yani, ça signifie que nous déclarons sans aucun doute que tu es unique, c'est-à-dire, hein, il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc il dit que nous déclarons que yani, il n'y a pas de doute que tu es unique, et que nous croyons en celui qui a appelé à toi, c'est-à-dire, ou qui a appelé yani, à ta religion, yani, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il fait un petit commentaire sur ce vers-là. Il dit « هَذَا مَعْنَ الشَّهَدَتَيْنِ نُقِرُّ بِلَا شَكٍ بِأَنَّكَ وَاحِدٌ هَذَا فِيهِ إِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْوَحْدَانِيَّةِ فَهُوَ جَلَّ وَعَلَى وَاحِدٌ فِي رُبُوبِيَتِهِ وَاحِدٌ فِي أُلُوهِيَتِهِ وَوَاحِدٌ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ لا شريك له في ذلك وكذلك نقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الله جل وعلا. Donc il dit le cheikh qu'il y a ici la signification en réalité des deux témoignages de la foi. Le témoignage donc de la foi, c'est-à-dire quand il dit nous déclarons ici sans aucun doute que tu es unique. Et ça implique, bien entendu, de rendre Allah subhanahu wa ta'ala unique et de déclarer son unicité. Et c'est-à-dire qu'il est unique, Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est un dans sa seigneurie, qu'il est un dans le fait qu'il est le seul à avoir le droit et à mériter d'être adoré, et qu'il est unique dans ses noms et dans ses attributs, c'est-à-dire qu'il est le seul à posséder les noms et les attributs de perfection. Et il dit il n'a pas de partenaire en cela. Et nous déclarons également la prophétie ou le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète véridique, un vrai prophète qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a invité les hommes à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le vers suivant, donc l'auteur il dit ونؤمن بالداعي إليك محمد رسولك أزكى من بعثت إلى الورى وخير من استخرجت من خير محتدي. Donc ici, yani, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie yani, ton messager, c'est-à-dire nous déclarons yani, que nous croyons en celui qui a appelé à toi, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton messager le plus pur de ceux que tu as envoyés à l'humanité et le meilleur de ceux que tu as fait sortir de la meilleure origine. Hein, de la meilleure origine, c'est-à-dire yani, de sa généalogie. Yani. Et le cheikh, il dit ensuite, il dit « Rasulika, al-Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, huwa man uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighi. » والرسول صلى الله عليه وسلم والرسول بمعنى المرسل وهو رسول من عند الله Azza wa Jal. Fallahu yursilu rusul ila ibadihi li da'watihim ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwahu. Wa hadha min rahmatihi subhanahu wa ta'ala annahu yursilu rusul إلى العباد ليدلوهم على طريق الصواب وينهوهم عن طريق الضلال ويترك ولا يتركهم سبحانه وتعالى يضلون ويكفرون دون أن يرسل إليهم من يبين لهم طريق الحق والصواب وينهاهم عن طريق الضلال قد أرسل الله الرسل وما زالت الرسل تتابع من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فأولهم نوح عليه السلام وهو أول الرسل وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique ici que donc il dit c'est ton messager, et le messager c'est celui qui a reçu une révélation, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a révélé quelque chose de la révélation, et c'est une loi ou une législation qu'il a reçue, et il a été ordonné de la transmettre et de la propager. Et quand on dit de la propager, c'est pas seulement de la propager dans le sens d'appeler à cette révélation-là, mais également de combattre pour la propager. Et les messagers, c'est dans le quand on dit al-rasoul en arabe, c'est dans le sens de al-mursal, c'est-à-dire celui qui a été envoyé. Et donc le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un messager qui vient d'Allah. Il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'envoie comme il envoie les messagers à ses serviteurs pour les inviter à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est-à-dire l'adoration exclusive d'Allah et de délaisser tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et que ce soit les idoles ou autres, hein, les anges ou les prophètes ou les tombes ou les saints, tout ça doit être abandonné. Et le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Et donc ça c'est une partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il a envoyé donc les messagers aux hommes pour leur indiquer le droit chemin et pour leur interdire le chemin de l'égarement. Et donc il ne les a pas laissés s'égarer et errer dans la mécréance sans leur avoir envoyé quelqu'un pour leur expliquer le chemin de la vérité et le chemin qui est correct, et pour leur interdire le chemin de l'égarement. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie les messagers. Il a envoyé les messagers, et les messagers se sont suivis successivement depuis Nuh alayhi salam jusqu'à notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier, donc, comme le cheikh il a mentionné le verset dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous t'avons révélé à toi de la même manière que nous avons révélé aux prophètes qui étaient avant toi. Ou bien plutôt il dit nous t'avons révélé à toi comme nous avons révélé à Noé et aux prophètes qui sont venus après lui. Donc le premier des messagers c'était Nuh alayhi salam, et le dernier des messagers c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kulluhum ja'u li hidayati al-khalq wa bayan al-haq wa qad ballaghu al-balagh al-mubin wa hadha ar-rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa ashrafuhum wa ashrafu al-khalq wa huwa sayyidu al-khalq wa sayyidu waladi Adam. كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر ويظهر هذا يوم القيامة إذا حشر الناس وطال عليهم الوقوف وتقدموا يطلبون الشفاعة من الرسل ليريحهم الله من الموقف ويحاسبهم حتى يريحهم من طول الموقف، وكلهم يدفع الشفاعة، يعني يدفع الشفاعة وتنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيتقدم لها عليه الصلاة والسلام، ويشفع إلى الله أن يفصل بين عباده فيقبل الله شفاعته. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون، وبهذا يظهر شرفه عليه الصلاة والسلام ومكانته عند الله عز وجل، ويظهر تقدمه على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. Donc le Cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il dit donc qu'il a envoyé tous les messagers pour guider les hommes, pour guider la création et pour leur expliquer la vérité. Et pour qu'ils transmettent la révélation d'une transmission claire. Et donc le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est le plus noble d'entre les messagers. Et c'est la plus noble des créatures. Et c'est le meilleur des créatures, le maître des créatures. C'est-à-dire que c'est le chef d'entre les créatures et c'est le maître des créatures. Et c'est le meilleur d'entre les fils d'Adam. Alayhi salatu wassalam. Et il dit dans le hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et par l'imam Muslim également, dans lequel il mentionne cette signification, il dit: je suis le chef des fils d'Adam, il n'y a pas de fierté, c'est-à-dire je suis le plus noble, le meilleur d'entre eux. Et il dit le cheikh que cela va être apparent au jour de la résurrection, lorsque les hommes seront ressuscités et rassemblés et que l'attente sera longue. Et ils vont rester donc en attente debout pendant très très très longtemps. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est un jour qui dure 50 000 ans. Et donc il y a des gens qui vont se présenter vers les différents messagers pour demander à ceux-ci de faire une intercession en leur faveur. Ou bien pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse les reposer de cette longue attente en commençant ou en débutant le jugement. Et donc, ils vont tous demander aux différents messagers de commencer le jugement pour qu'ils puissent avoir un repos de cette longue attente. Et chacun d'entre les messagers, ce jour-là, va repousser la demande de l'intercession jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui va prendre les devants à ce moment-là pour justement demander l'intercession à Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir faire en sorte que le jugement puisse commencer et pour que Allah subhanahu wa ta'ala puisse trancher entre ses serviteurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là va accepter son intercession. Et c'est la station ou bien la position de gloire comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le verset 79 dans Surat al-Isra, dans lequel il dit ton Seigneur va certes te placer dans une position louable, une position de gloire ou de louange. Et la raison de ça, c'est parce que à ce moment-là, puisque Allah subhanahu wa ta'ala va débuter le jugement après l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien toutes les créatures, de la première jusqu'à la dernière, va glorifier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le remercier pour cela. Et donc, ça c'est quelque chose qui fait en sorte que justement, on voit et on remarque ici sa noblesse et son statut élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on voit également à quel point il est en avant des autres prophètes et des messagers qui ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit ensuite: وَاخْتَارَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى مِنْ نَسَبٍ عَرِيقٍ مِنْ خَيْرِ مَحْتَدِي يعني مِنْ خَيْرِ نَسَبٍ اختاره من بني هاشم واختار بني هاشم من قريش واختار قريشا من بني كنانة واختار بني كنانة من العرب فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi, a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une origine ou d'une généalogie qui est ariq, ariq, ça veut dire ancienne, qui est ancienne et qui est connue. Et donc cette généalogie, hein, c'est la meilleure généalogie. Il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la meilleure famille parmi les familles, hein, de Quraysh. Et c'était la famille de Bani Hashim. Et de Hashim, il a choisi de la meilleure tribu parmi les tribus des Arabes, qui est de Quraysh. Et il a choisi Quraysh de Kinana. Et il a choisi Kinana des Arabes. Et donc il a choisi les meilleurs parmi les meilleurs parmi les meilleurs. Hein? Pour que son prophète, sallallahu alayhi wasallam, soit de la meilleure, hein, généalogie possible et de la plus noble. Et il dit ensuite, وَنُؤْمِنُ بِالدَّاعِي إِلَيْكَ مُحَمَّدِي. Hein? لَا بُدَّ مِنْ هَذَا. لَا بُدَّ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَلَا يَكْفِي الْإِيمَانُ بِاللَّهِ. بل لا بد من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول هو المبلغ عن الله عز وجل ولا نصل إلى الله وإلى جنته إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالذي يزعم أنه يصل إلى الله من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ضال وملحد وكافر بالله عز وجل. Donc le cheikh il dit ici, et nous croyons en celui qui a appelé à toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le cheikh il dit ça c'est nécessaire, il faut absolument avoir la foi en Allah et la foi en son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas suffisant seulement de dire que je crois en Allah. Il faut absolument avoir également la foi en le messager sallallahu alayhi wa sallam. Car le messager, c'est celui qui a transmis le message d'Allah. Et nul ne peut arriver à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi qu'à son paradis, excepté par le chemin du prophète, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet dans le verset 31 dans Surat Al-Imran, dit ô Muhammad, si vous aimez réellement Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc celui qui prétend ou qui pense qu'il peut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala sans suivre le chemin du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il s'est certes égaré et c'est certes une personne qui est kafir et qui a renié la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est vrai. Et souvent on entend par exemple les chrétiens qui disent que Jésus a dit c'est moi, je suis la voie, je suis le chemin, nul ne va à Dieu que par moi. Et donc cette parole elle était vraie à l'époque de Isa alayhi salam. Mais une fois que Isa alayhi salam est monté aux cieux et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh bien maintenant cette parole, elle n'est plus telle qu'elle, hein, parce qu'il faut comprendre que maintenant le prophète, le dernier des messagers, celui qu'on doit tous suivre sans exception, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est vrai que si par exemple un juif aujourd'hui, s'il devient musulman, on va lui dire, hein, par exemple, si un juif venait et il voulait devenir musulman, il dit, moi je crois juste en Mohammed, mais je ne veux pas croire en Jésus. Hein, on lui dit, non, tu peux pas être un musulman si tu n'acceptes pas de croire également en Jésus, alayhi salam, parce que Jésus est un messager d'Allah et un prophète. Donc si tu veux devenir musulman, il faut non seulement croire en tous les messagers, y compris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut également accepter de croire en Isa alayhi salam. Et si quelqu'un rejette la foi en Isa alayhi salam, hein, il refuse de croire en Jésus, il n'est pas musulman. Sauf que, bien entendu, il ne doit pas exagérer à propos de Jésus au point d'en faire une divinité ou au point de l'adorer en dehors d'Allah ou avec Allah. et au point de déclarer que, par exemple, il serait Dieu ou fils de Dieu ou faisant partie d'une trinité quelconque, tout ça c'est rejeté. D'accord? Donc il faut être dans le juste milieu par rapport à la foi en les messagers et il faut accepter la vérité. Donc si quelqu'un aujourd'hui dit moi je ne crois pas en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien j'accepte l'islam mais je ne suis pas Mohammed, je continue à suivre Isa ou je continue à suivre Moussa, hein, et j'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala selon la voie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va dire non, dans ce cas-là ta foi elle est incomplète, elle est incorrecte. Parce que tu dois non seulement croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais tu dois le suivre et le prendre comme modèle et prendre son exemple et adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon ce qu'il a enseigné. Ensuite, le cheikh, il dit, et il explique yani, la suite et la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Azka, hein, il dit Azka man ba'athta ila al-wara, hein, Rasulika Azka man ba'athta ila al-wara. Donc, il explique cette signification-là ici. Il dit donc Azka, huwa yani athar, yani athar. Wa fazakat, hein, ma'naha tahara. Fahuwa, sallallahu alayhi wa sallam, atharu al-khalq, atharu al-khalq, nafsan. Wa atharuhum amalan. Wa atharuhum nasaban. وأطهرهم بجميع أنواع الطهارة البشرية. Donc le cheikh il explique et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le plus pur parce que azka c'est la forme superlative de zakat, hein, c'est comme kabir, la forme superlative c'est akbar et zaki, hein, c'est la forme si tu veux dire que quelqu'un est le plus pur, c'est azka, azka. Et ici donc le cheikh explique que le terme azaka, hein, zakatun en arabe, ça veut dire pureté, tahara. Et azka, donc, c'est le plus pur. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la personne qui a l'âme la plus pure et qui a les actions les plus pures et qui a la généalogie la plus pure et l'origine la plus pure. Et il est pur de toutes les différentes catégories de pureté humaine. Ensuite, il explique la suite de ces vers-là. Il dit, alayhi salatullahi thumma salamuhu, salatan lana taqdi bifawzin muabbadi. Donc, avant ça, donc le cheikh, il explique, il dit, hadha min huquqihi, alayhi salatu wassalam. علينا أننا نصلي عليه وقد أمرنا الله بذلك قال سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم. Donc ici le cheikh il dit que cela fait partie des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ces droits-là, c'est justement que on invoque la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le messager. Et il a mentionné justement à ce sujet-là le verset 56 dans sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Et ici, le fait de prier sur le prophète, alayhi salam, ça veut dire de demander la bénédiction d'Allah pour lui. C'est ça que ça signifie. Et donc ici, quand on dit par exemple, hein, Allahumma salli ala Muhammad, eh bien c'est ça que ça signifie. Et le cheikh, il dit, wa hadha haqqun wajibun alayna lahu. أن نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد والصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده على في الملأ الأعلى والصلاة من الملائكة الاستغفار والصلاة من الآدميين الدعاء. Donc le cheikh il explique ici que donc ça c'est un des droits que le messager sallallahu alayhi wa sallam a sur nous, c'est-à-dire que on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la bénédiction pour lui, et il dit, c'est-à-dire qu'on dise, ô Allah, béni et salue notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que le fait de demander la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la salat d'Allah sur le prophète, eh bien c'est dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il fait l'éloge de son serviteur en parlant de lui en bien et en mentionnant ses éloges auprès de ses anges. Auprès de ses anges. Donc c'est ça la salat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah fait la salat sur quelqu'un, c'est-à-dire il va mentionner à ses anges les éloges de cette personne, de cette créature. Et donc, ça c'est en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il fait la salat sur quelqu'un. Et lorsque les anges font la salat sur quelqu'un, ça signifie qu'ils vont demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette personne. Tandis que la salat pour les êtres humains, quand on dit qu'un être humain fait la salat, eh bien ça signifie dans le sens linguistique ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation. Et le cheikh il explique ensuite la parole dans le vers salatan lana taqtadi bifawzin mu'abbadi pardon taqdi bifawzin mu'abbadi لأن الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما أجر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. يعني يضاعف الله ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر صلوات من الله بعشر صلوات من عند الله عز وجل. صلاةً لنا يعني صلاةً وسلاماً لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً فتجمع بين الأمرين يعني تقضي بفوز مؤبد يعني الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ثواب عظيم لمن صلى عليه. Donc ici, le cheikh, il dit, c'est une salat qui va faire que la personne qui le fait, elle aura un succès ou une réussite éternelle dans le paradis. Et donc, le fait de dire « As-salat wa salam » sur le messager, eh bien, il y a pour ça une grande récompense. Et même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim ainsi que par Tirmidhi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque fait la salat sur moi une fois, Allah subhanahu wa ta'ala fera sur lui la salat 10 fois. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va yani, mentionner ses éloges 10 fois, alors que lui, il l'a fait une fois sur le messager. Donc ça, c'est la récompense de celui qui le fait. Quand tu dis la salat wa salam sur le messager, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait 10 fois. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait sur toi 10 fois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie la récompense de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam par 10 salawat de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit salatan lana, salatan wa salaman, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset de dire yani, sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc, on dit as-salat et on dit as-salam aussi. Donc, as-salatu wa salamu. Et donc, le cheikh, il dit, tu dis les deux. Et il dit ensuite, taqdi bi fawzin mu'abbadi. Cette salat que tu fais, elle va faire en sorte que tu aura yani, un succès ou une réussite éternelle. Eh bien, c'est parce que le fait d'envoyer la salat sur le messager, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y a pour ça une immense récompense du fait de l'avoir fait. Ensuite, le cheikh, il dit, وَكُلُّ نَبِيٍّ هَ وَكُلُّ نَبِيٍّ لِلْأَنَامِ وَضُعِفَتْ وَضُعِفَتْ لِأَشْرَفِ مَخْلُوقٍ بِأَشْرَفِ مَحْتِدِي بِأَشْرَفِ مَحْتِدِي. Donc ici le cheikh il mentionne que il explique le cheikh Al-Fawzan, il dit lamma salla ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam salla ala jami' an-nabiyyin ala jami' ala an-nabiyyin ala jami' an-nabiyyin alayhim as-salatu wa salam wa hadha haqqun lana alayhi alayna yani haqqun lahum alayna نصلي عليهم عند ذكرهم وضعفت الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره لأنه أفضل من غيره. نعم صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد وكل نبي للأنام وضعفت لأشرف مخلوق بأشرف محتدي. Donc ici il dit on fait la salat et on envoie la salat et le salam pour les messagers aussi, les autres messagers aussi, mais pour la plus noble des créatures, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien elle est multipliée ou augmentée, hein, c'est-à-dire qu'on le fait on le fait plus pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement parce que c'est la plus noble des créatures et la plus noble des origines. Ensuite, le cheikh il dit le vers suivant: wa ashabuhu al-ghurr min ali hashim wa man bihudahum fil a'asir yahtadi wa man bihudahum fil a'asir yahtadi. Donc ici et également, on fait la salat sur ses compagnons, hein? Yani, c'est-à-dire, il mentionne, donc, on fait la salat et le salam sur les compagnons, hein? Les meilleurs de la famille de Hashim, et tous ceux qui ont suivi leur guidance dans les années suivantes ou dans les siècles suivants, et qui ont été guidés par leur guidance. Donc, c'est ce qu'on dit justement lorsqu'on commence n'importe quel ouvrage ou n'importe quel livre. Les ulama, ils disent toujours ça. Hein? Ils disent « Alhamdulillah, wa salat wa salam, wa ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man ittaba'a hudahu. » Donc ça, les ulama, ils le répètent toujours dans l'introduction de leurs livres et de leurs ouvrages, hein, quand ils débutent. Ensuite, le cheikh il clarifie donc qu'on envoie la salat et la salam pour tous les messagers, ça on l'a expliqué. Et puis ensuite il dit ثم بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه والأصحاب جمع صاحب أو صحابي والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وهذا هو الصحابي بهذه الشروط أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يره بأن كان أعمى إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يره بعينه مؤمنا به فلو لقيه وهو غير مؤمن به ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد صحابيا لا بد أن يموت على ذلك لا بد أن يموت على ذلك يعني لم يرتد فإذا ارتد مات من غير توبة وبطلت صحبته وبطلت سائر أعماله والغر يعني المراد بهم أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى على الصحابة عموما صلى على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم آله وأهل بيته. Donc ici le cheikh il explique que ensuite après avoir envoyé la salat sur le prophète صلى الله عليه وسلم et sur ses compagnons, il envoie la salat sur les compagnons et les compagnons se sont ce qu'on appelle en arabe as-sahaba. Sahaba, ou bien on dit al-ashab, c'est le pluriel de sahabiyun ou sahib. Et as-sahabi, la définition d'un sahabi, c'est toute personne qui aurait rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et qui aurait cru en lui et qui serait mort, sur cette foi. Donc on appelle sahabi toute personne qui a rencontré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie et qui a cru en lui et qui est mort sur l'islam. Donc ça, c'est les trois conditions pour que quelqu'un soit considéré ou appelé sahabi. Ensuite, le cheikh, il explique que quiconque a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il ne l'a pas vu, par exemple, si quelqu'un est aveugle, il va rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, mais il ne l'a pas vu avec ses yeux parce qu'il était aveugle. Donc le fait de l'avoir rencontré, ça suffit. Il dit, et qu'il ait cru en lui au moment où il l'a rencontré, il a cru en lui et il est mort croyant. Donc s'il, par exemple, s'il s'était converti, puis qu'il était, par la suite, il avait abandonné la foi, il avait apostasié, donc il n'aurait pas été considéré à ce moment-là comme un sahabi et ses œuvres auraient été considérées vaines. De même que si, par exemple, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il n'a pas cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il l'a rencontré, mais il n'a pas cru en lui, donc il n'est pas sahabi. Même s'il s'est converti après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas être contredit, il ne va pas être considéré comme étant un sahabi. Il faut qu'il ait cru en lui pendant sa vie, pendant qu'il était en vie. Al-Ghurr, ici, on fait référence à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le cheikh, il dit wa ashabuhu wal-ghurri. Min Ali Hashimin. Et Al-Ghur, ici, ça désigne la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On veut dire ici, bien entendu, ceux parmi eux qui sont les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont parmi les musulmans, parmi les croyants. Il dit donc, après avoir fait la salat sur les sahaba, de façon générale, il l'a fait de façon plus particulière sur la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam en particulier, qui sont ses proches et les gens de sa famille, c'est-à-dire ses épouses et ainsi de suite. Ensuite, il dit min Ali Hashimin. Min Ali Hashim, c'est-à-dire la famille de Hashim, Bani Hashim. C'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa hada tafsirun li Ali Muhammad wa hum alu Hashim ibn Abdi Manaf. Wa ba'duhum yulhaqu bihim alu al-Muttalib ibn Abdi Manaf li anna al al-Muttalib lazamu ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa saru ma'ahu وانحازوا معه وصبروا على الأذى معه الحاصل من قريش و يعني الحاصل من قريش فصار لهم من الحق مثل ما لآل هاشم لأن عبد مناف له 4 أولاد هاشم الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم والمطلب الذي هو جد آل طالب جد آل المطلب و أو المطلب وعبد الشمس الذي هو جد بني أمية الذي منهم عثمان بن عفان ونوفل جد بني نوفل الذي منهم جبير بن مطعم. نعم دونك ici le cheikh explique que la famille du prophète صلى الله عليه وسلم parmi eux la famille de Hashim. Et l'explication ici, c'est que la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Bani Hashim. Et Bani Hashim, c'est tiré du nom du grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était Hashim, le fils de Abdoumanaf. Naam. Et parfois, on peut également rejoindre à sa famille aussi Al-Muttalib ibn Abdul Manaf. Al-Muttalib ibn Abdul Manaf, parce que Al-Muttalib, ils sont restés avec le messager sallallahu alayhi wa sallam et ils ont yani, souffert avec lui, enduré avec lui beaucoup de difficultés hein, lorsque Quraysh les ont yani, boycottés et ainsi de suite. Donc, yani, il y avait comment on appelle ce genre de. On appelle ça une. En tout cas, quand les pays, des fois, ils font une. J'ai oublié le mot là, ça, je l'ai sur le bout de la langue, mais un embargo, c'est comme un embargo. Donc, les autres familles de Quraysh avaient fait un embargo contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont mis. Yani, la famille d'Al-Muttalib avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet embargo-là. Donc ils ont souffert avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc souvent on les calcule avec la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que yani, Abdoumanaf, qui était l'arrière-grand-père du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait quatre enfants. Hashim, qui est le grand-père du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il a eu aussi Al-Muttalib, qui était le grand-père de Al-Muttalib, et Abdushams, qui était le grand-père de Bani Umayya, yani, dont un des descendants était justement Othman ibn Affan, et un autre qui s'appelait Nawfal. Nawfal, qui était le grand-père de. Yani Bani Nawfal qui était le grand-père de Jubair ibn Mut'im. Donc ça fait partie de ces grandes familles-là parmi les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit wa man bihudahum fil a'asir yahtadi. Yani lamma salla ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala ashabihi وعلى قرابته صلى على كل من اتبعه إلى يوم القيامة. Donc il dit qu'une fois qu'il a terminé d'envoyer la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons et sur ses proches, hein, les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé donc la salat ensuite sur tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour de la résurrection. Et ça c'est la tradition et la façon dont tous les ulama, ils font lorsqu'ils débutent un livre, hein, ils commencent toujours de cette façon. Ok. Donc ensuite le cheikh Mohammed Abdul Qawi Al-Maradawi, rahimahullah, il continue son poème et il dit maintenant: Wa ashhadu anna Allah la rabba ghayruhu. وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي. Donc, qu'est-ce que ça signifie, yani? Ça signifie, yani, je témoigne que Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de Seigneur en dehors de lui, et je lui demande, hein, le pardon et de compléter ce qui a été, yani, ce qui a été fait ou ce qui a été divulgué. Ou ce qui a été débuté plutôt ici, parce qu'il veut dire ce qui a été débuté comme dans sa poésie. Donc il dit ici: ثم لما حمد الله واثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم اتى بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله ومعناها لا معبود بحق الا الله فتقر وتعترف بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله وأن كل معبود سواه فهو باطل لا تعبده حق عبادته ولا رب غيره لا رب غيره يعني لا إله غيره والرب يطلق ويراد به الإله كما أن الإله يطلق ويراد به الرب كما أن الإله يطلق ويراد به الرب، فيستعمل أحدهما مكان الآخر، وإذا ذكر جميعا صار الرب معناه المالك المتصرف المدبر، والإله معناه المعبود. أما إذا ذكر أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر. وأسأله عفوا وإتمام ما ابتدي، يعني لما شهد أن لا إله إلا الله طلب منه أن يعينه على إتمام ما ابتدأ به من هذا النظم حتى يكمله. أي نعم. Donc il dit ensuite حتى يكمله على الوجه الذي أراده، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فالإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا بإعانة الله جل وعلا. وأسأله عفوا، يعني يسأله عفوا عن التقصير، وهذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه لأنه مقصر، ومهما فعل ومهما عمل فهو مقصر، يحتاج إلى العفو من الله جل وعلا. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, avec cette explication-là. Je vais juste traduire la dernière partie que j'ai lue. Le Cheikh, il explique et il dit donc que lorsque yani, il a glorifié Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait les éloges d'Allah et il a envoyé la salat sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il a ramené Ash-Shahadatayn, les deux témoignages. Le témoignage de la ilaha illallah qui signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc tu déclares et tu reconnais avec ta langue et tu crois avec ton cœur, avec conviction, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est faux. Et donc, yani, c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré et tu l'adores comme il mérite d'être adoré. Et quand on dit il n'y a pas de Seigneur autre que lui, c'est-à-dire il n'y a pas rien qui mérite d'être adoré, il n'y a pas de ilah, de divinité autre que lui. Parce qu'on peut parfois utiliser le terme Seigneur pour vouloir dire la divinité, et on peut aussi dire la divinité dans le sens du mot Seigneur. Et donc on peut utiliser un à la place de l'autre, et lorsqu'on les utilise les deux ensemble, eh bien chacun aura la signification spécifique à laquelle elle revient. C'est-à-dire que Ar-Rab aura la signification du maître, celui qui contrôle tout et qui a le contrôle de la création. Et lorsqu'on utilise, donc lorsqu'on dit Ar-Rab et qu'on utilise aussi Al-Ilah dans la même phrase ou dans le même texte, eh bien là, Ar-Rab, ça voudrait dire celui qui a le contrôle et qui est le maître et qui est le créateur. Et Al-Ilah, c'est celui qui est adoré, hein? Donc la divinité, l'être qui est adoré et qui mérite, qui est le seul à mériter d'être adoré. Et il dit le cheikh que si par contre on les utilise séparément, eh bien il faut savoir que l'un implique l'autre, hein? Et l'un entre dans l'autre. Donc comme les ulama ils disent parfois, إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. Donc, quand les deux mots sont réunis dans un même texte, leur signification se sépare. Ils ont chacun une signification spécifique. Et lorsque les deux termes sont dans des textes séparés, hein, c'est-à-dire qu'on utilise un nom dans un texte et dans un autre texte, on utilise un autre nom, et bien dans ce cas-là, chacun aura le sens de l'autre. Et le cheikh il dit ولما شهد ان لا اله الا الله طلب منه ان يعينه على. Donc après avoir fait son témoignage, il dit et je واساله عفوا واتمام ما ابتدي. Donc je lui demande le pardon et je lui demande l'aide de m'aider à compléter ce que j'ai commencé, c'est-à-dire de ce poème, parce que il veut le compléter comme il faut et il y a rien qui peut être fait sans l'aide d'Allah, puisque il n'y a pas de mouvement ni de force excepté en Allah. Et par Allah, donc, l'être humain, il ne sera pas capable de compléter un travail ou de faire un travail quelconque sans l'aide d'Allah, Azza wa Jal. Et donc, il dit ensuite, et lorsqu'il demande pardon, c'est-à-dire pardon pour tous les manquements qu'il a eus, parce que l'être humain ne doit pas se purifier lui-même, puisqu'il est toujours, il a toujours un manque, ou il a toujours quelque chose qui est déficient ou qui est incomplet vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses obligations envers Allah. Donc, peu importe qu'est-ce qu'il fait, il est toujours, muqassir, il a toujours un manque, il est toujours incomplet, et il a toujours besoin du pardon d'Allah azzawajal. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, bi'idhnillah, et on continuera le prochain cours, inshallah, après. Ben, pour aujourd'hui, je dois m'excuser pour le cours le cours suivant parce que j'ai été aujourd'hui j'ai fait beaucoup de choses et donc je suis extrêmement épuisé et donc j'ai pas vraiment la force pour continuer pour la deuxième heure. Donc je m'excuse pour aujourd'hui, je vais prendre une pause et on se retrouvera demain inshallah. D'accord? Donc barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à demain, inshallah.